Cette intersection n'est marquée par aucune signalisation de priorité particulière. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Je dois céder le passage à la camionnette. Réponse B.